Maurice qui a un message très important à nous communiquer, c'est ça Maurice? Ouais. Une loi liberticide et scélérate sur les hospitalisations et les soins sous contrainte en psychiatrie arrive au Parlement. Une loi liberticide et scélérate sur les hospitalisations et les soins sous contrainte en psychiatrie arrive au Parlement. Allô, allô, allô, ouais, ça marche, essai, test, micro, 1, 2, test, patate, chaude, patate, froide, patate, tiède, on essaye, on fait pas, patate, purée, purée, on s'en sort pas, patate. Ironique, onirique et pourquoi pas comique, politique, mais aussi sémantique, la patatose. La patate, patatose. La patatose. La patatose. Un petit bonjour à nos amis belges, la patatose. Wesh, wesh. La patatose. Oui, la patatose. Elle écrivait et maintenant elle vous parle à la radio primitive. Mais qui sommes-nous? Des frites? De la purée? Des rostis? Non, pas du tout. Nous sommes ceux qui ont perdu le nord. Les déjantés. Les barrés à l'ouest. Des hommes et des femmes et des aliens. Ou des soignants et des soignés. Ou alors des patients, pas patients, voire impatients. Du centre Antonin Artaud à Reims. Bonjour, pour sa deuxième émission, la patatose voudrait vous faire part de ce que vous mitonne le gouvernement. Pour nous, pour vous, pour vos enfants, pour vos parents sûrement, enfin pour tout le monde. Chaque citoyen risque de regretter, si ce n'est déjà fait, l'élection de Nicolas Sarkozy. Je suis même pas sûr que les riches regrettent l'élection de Nicolas Sarkozy. Quand ils auront fait 72 heures de garde à vue psychiatrique, ils vont déchanter. Qu'est-ce qui se prépare? Suite à un événement tragique, le président Sarkozy sera agite. J'ai été choqué par cette affaire. Il prend des décisions hystériques et même paranoïques. De quel genre? La création d'unités fermées et de chambres d'isolement supplémentaires est une mesure dont je veux souligner l'importance. Ce n'est pas à vous que je vais apprendre que certaines personnes malades sont plus agressives que d'autres, que certains patients ne sont pas faits pour l'hospitalisation conventionnelle, sans pour autant relever... Des unités pour malades difficiles. Là, pour le coup, on est comblé. Les UMD sont déjà créés. Il est prévu des soins sous contrainte, même quand on est chez soi. Et vous savez fort bien, mieux que moi, que des patients dont l'état s'est stabilisé pendant un certain temps peuvent soudainement redevenir dangereux. Ah bon? Au départ, ils voulaient même nous payer des bracelets de cheville. C'est l'effet Rolex. Ouais, si t'as pas ta Rolex à 50 ans, c'est que t'as raté ta vie. Et en bref, ce qui nous attend. La maladie tombe sous le coup de la loi, le malade devient un délinquant, le juge entre dans l'hôpital, le soin devient carcéral, quand l'admission à l'hôpital se transforme en garde à vue. À ce moment-là, la patate explose. Et c'est toujours la patatose! Qui vous sort de l'hypnose? Ces unités seront équipées de portes. Et toujours pas de fenêtres. Nous, des fenêtres, on en a et on les laissera pas murer. Tant qu'on n'est pas enfermé, on continuera. À vous soigner! À vous soigner! Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma croyez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis franche, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi je me casse de là. J'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière je vous en veux pas et je suis comme ça. Pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. On vient d'écouter Zaz avec son titre Je veux. Vous êtes toujours à l'écoute de la Patatose sur la Radio Primitive. Ce discours a été enregistré à Villejuif le 25 septembre 2010 lors du troisième meeting organisé à l'initiative du collectif des 39. Écoute bien ces paroles, si tu ne veux pas finir à la casserole. Dans ce discours, puis dans cette future loi sur la psychiatrie qui va être discutée au Parlement, nous avons cru déceler une forme de discrimination. Cette loi vise à renforcer les mesures d'hospitalisation. Cela, évidemment, concerne les patients en premier chef. Ils sont stigmatisés. Encore une fois, le gouvernement joue une partie des Français contre une autre. Selon les statistiques, nous ne sommes pas plus dangereux que les personnes dites normales. Nous avons déjà des vies très difficiles, car nous souffrons et nous sommes le plus souvent mis à l'écart. Qui d'entre nous n'a pas vu ses amis s'éloigner, parfois une partie de sa famille, le rejeter ? Nous sommes beaucoup plus fragiles que les autres. Nous n'avons pas de gros revenus, nos loisirs sont limités. Et cependant, nous devons vivre dans une société où la consommation est le maître mot. Alors bien sûr, l'AAH va être augmentée de 25% sur 5 années. C'est bien, mais si d'un autre côté, une loi pousse à l'enfermement et à la géolocalisation, nous sommes convaincus que nos conditions de vie ne s'amélioreront pas. La gestion de la maladie psychique ne peut se résumer à des chiffres, car c'est avant tout un problème humain. Nous ne sommes pas une donnée statistique, nous sommes des êtres humains. Nous avons nos tristesses, nos faiblesses. Il ne faut pas oublier que tout un chacun peut tomber malade en ayant à subir les déboires que cela implique. L'obligation de soins est une contrainte. Et le fait que la personne en souffrance soit hospitalisée d'office ou à la demande d'un tiers est déjà suffisamment pénible. L'obligation de soins va transformer le psychiatre en flicatre, en agent de surveillance qui contraindra le patient à la prise de médicaments. Le soin en ambulatoire va se transformer. Il sera plus contraignant, détruisant le lien d'amitié, de confiance, de transfert. Ce sera la répression et plus la prévention. Il est donc normal que des personnalités de la psychiatrie, telles que celles de l'appel des 39, des artistes et des hommes politiques de gauche, fassent bloc et résistent. Car il ne s'agit pas d'autre chose que d'un acte de résistance, mesdames et messieurs. Nous, patients et soignants, concernés au premier chef par ce projet de loi. Est spécifiquement inhumain, sécuritaire et liberticide. Sommes partis 30 de Reims pour rejoindre les millétrés à Villejuif. Pour clamer notre colère. Et renforcer un des derniers bastions d'intelligence et de résistance. Face à la soumission et à la bêtise du monde actuel. Were you trying to get crazy with this thing? Don't you know I'm loco? I'm thinking it's all over when I go out drinking. Oh, making my mind slow. That's why I don't fuck with the big 4-0. Bro, I got to maintain. Cause a nigga like me is going insane. Insane in the membrane. Insane in the membrane. Insane in the membrane. Insane in the membrane. Insane in the membrane. Vous écoutez toujours La Patatose sur la radio primitive, on vient d'écouter Insane in the Brain de Cypress Hill. Et maintenant on écoute le témoignage de Dominique. Voici mon témoignage. 30 ans de soins obligatoires, avec contraintes et emprise morale, menaçant de couper les allocations familiales si je ne me soumets pas. 30 ans d'injections de neuroleptiques, médicaments retard et d'internement abusif. Non, non, non. Je fus victime des réducteurs de tête, des médicastres et des charlatans. C'était la psy d'antan. Heureusement, il y a des lieux où une psy humaine existe encore. Mais avec ces nouvelles lois, l'histoire se répète. Non à l'obligation de soins dans sa salle de bain, non à l'obligation de soins dans sa cuisine, non à l'obligation de soins chez sa boulangère, non à l'obligation de soins dans l'air qu'on respire. Une raya de bombes à livre flamme leur manteau, une ribambelle de nains coupe le feu dans le métro, une armée de gamins qui volent les magasins, 3 millions d'essais, carbonisant bouquin, une concierge lui met fou le faux quartier, le président fêlé entame l'Elysée, 3 fraternes en chaleur cassent leur directeur, une tribu de bonnes sœurs incendie de Sacré-Cœur. Géronimo, des soldats cannibales rendissent leur général, 300 patrons qui crachent pour sauter la baraque, et un vieux bon chinois se pétrole le minois, le froid tue la fillette qui n'a plus d'animé. Des Iraniens enflamment le corps de l'oncle Sam, des sauteurs sapins me portent d'un grand feu de chose, un gang de pyromanes se croit au paradis, les pompiers en ont marre, c'est la grève aujourd'hui, il y a le feu partout, c'est la fête des fous, il y a le feu partout, vive le feu, vive les fous. C'était les Béruriers Noirs avec Vive le Feu dans la patatose. Et maintenant, continuons avec quelques éclats de voix de patients recueillis par Radio Libertaire à ce meeting du 25 septembre. Faut pas confondre criminel et malade. Le malade chez nous, c'est une souffrance. Ce qui fait peur dans cette loi, c'est aussi les 72 heures de contention psychiatrique qui sont Donc là, il n'y a pas d'avocat comme il pourrait y en avoir bientôt dans la garde à vue. Il y a pas de, il y a des neuroleptiques à tous les coups parce que comme ça, on dit plus rien, on est bien dans la cellule. Il y a deux médecins qui prennent une décision. Deux médecins qui prennent une décision. Alors quand on voit, moi j'ai déjà été hospitalisé comme ça dans l'urgence et on voit la difficulté à rencontrer. D'ailleurs, souvent, on a affaire à un interne qui n'est pas réellement un médecin en définitive, mais voilà, on le rencontre au bout de 24, 48 heures d'iso. Là, on a un contact avec ce gars-là qui est débordé parce que il a ce service-là, plus les trois autres services du même hôpital, plus les trois autres hôpitaux du département, voire même au-delà. Donc c'est très vite expédié déjà maintenant. Alors quand il va falloir rencontrer deux médecins, qu'il va falloir convaincre qu'on n'est pas complètement fou allié et qu'il peut nous délier et qu'on va pouvoir excuser, ça va être encore plus galère, quoi. Et puis ben, je sais même pas non plus comment ils vont faire au niveau place, parce qu'on voit bien, nous on est de Reims, et on voit bien que dans l'hôpital de Reims, il y a de moins en moins de lits. Ils construisent de plus en plus de bâtiments partout, mais bizarrement il y a de moins en moins de lits. L'appel des 39, la nuit sécuritaire et tout, qui leur a dit stop, stop, stop, vous emballez pas, c'est pas la bonne méthode, il faut qu'on en discute et tout. C'est pas aux politiciens de se prétendre médecin. Sinon ils signent le serment d'hypocrite. D'hypocrate. Hypocrite. Ah, d'hypocrite. Ah, j'ai pas compris. Et maintenant, un petit peu de musique avec Alain Souchon. Non, je déconne, c'est Jaco Pastorius avec Come On, Come Over. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on Vous écoutez toujours la patatose sur la radio primitive, car avec la patatose, on ose. On ose. Sur la radio primitive. Malheureusement, on est déjà assez stigmatisé dans la population. On se cache presque. On a des centres de lieux où on peut se retrouver, mais on se cache presque pour pas que la population nous voit et nous montre du doigt. Et en plus de ça, c'est vrai que, par exemple, pour trouver un logement, tout ce qui est logement dans le logement public, eh ben ça met du temps à avoir un appartement. Et généralement, quand on donne un appartement, on donne un appartement dans un quartier malfamé ou dans une cité. Et ils veulent pas nous faire... Et ils savent très bien qu'on a déjà des problèmes, du mal à vivre normalement au quotidien. Et ça met 3, 4, 5 ans. Moi, j'ai mis 4 ans à avoir un appartement. Donc, il faut vraiment faire attention à tout ce qui se dit, tout ce qui se fait, et prendre acte de tout ça, et pas se dire c'est une loi comme ça, et puis ils ne la feront jamais, ils ne l'appliqueront jamais. Parce que eux, pour eux, une personne qui est en prison ou qui est en clinique, c'est meilleur qu'une personne dehors à surveiller. Tout simplement. Il est bon de pouvoir s'exprimer. On est tous concernés. Exactement. Vous êtes tous concernés, parce que vous nous rencontrez dans la rue. Dans le cadre de la semaine de la santé mentale, nous organisons notre semaine de la folie ordinaire, du 15 au 19 mars. Exposition du 15 au 19 mars, je répète, avec le vernissage, le 15 à 15h, rue du Barbade, dans la maison des associations. Soirée débat, le jeudi 17, de 18h à 22h, salle Armonville, rue du même nom. Venez nombreux, nous mangerons la soupe et échangerons ensemble. Cette émission a été réalisée par Mathieu, Christelle, ouais. Et aussi Dominique, Sophie qui était là un peu quand même, oui. Qui d'autre, ouais. Oh, puis on a vu Nathalie. Ah ouais, tout le staff du centre Artaud. On n'a pas la bénédiction des gens de l'hôpital, mais ça ne fallait pas le dire. Il n'y avait pas Guillaume. Pas Guillaume, non. Non, il a caché l'ordinateur. Boris, alors, il n'était pas... Kardèche, non. Mathieu, Frédéric, Zina, Clément... Françoise, Christelle, Nathalie. Nathalie. Bim! Ça fait des mois qu'il est plus là. Bip. Bip. C'est moi qui fais le test. Ah, bon, il l'a monté alors. Il l'a monté. Ah, qu'est-ce qu'on monte dans cette. Bah, Dominique. Dominique. Jacques. Dactari. Non, il n'est pas là. Ah, Clément. Clément. Clément, la sirène du centre de jour. Personne peut venir Bah, vous mangez pas. C'est une période c'est de le gym. C'est le jeu, c'est le mercredi. Céline. C'est Céline. Alors là, bah, on coupe sa voix puis on met pas, on la met pas dans le générique. Alice. Il y a la voix d'Alice. Kardèche, vous l'avez dit, Kardèche. Les gens de la première émission, parce qu'il y a le. Ah bah ouais. Et ben on leur dit si vous voulez savoir c'est qui, vous écoutez la première émission. Liste non exhaustive. Voilà, c'est la fin de la deuxième émission de La Patatose. On espère qu'elle vous a plu autant que la première. On vous retrouve en avril après avoir été s'enchaîner aux grilles de l'Assemblée. Et à bientôt. Je lève les index des deux mains vers le ciel. Vous voulez tout lever votre corps vers les étoiles. Je me mets deux index contre mes tempes. Vous voulez dégager votre cervelle de votre étau. Je soulève ma jambe droite en la pliant vers l'arrière. Vous voulez dégager votre colonne vertébrale et jouir grandement. Je veux dans le fond être comme dans le ventre de ma mère. Donc en réalité, après une évasion dans un pays beau et gentil et dans une personnalité première devant un feu de cheminée et regarder les flammes danser comme des dents de feu. Donc une âme ou un esprit être qui se monte dans un château en Écosse.